Vous écoutez Futur 5, toujours sur CKRL au 89,1, et nous allons maintenant partir dans le Grand Nord québécois, dans la toundra, à la rencontre des caribous. Seulement, il y a un mystère, 90% des caribous du nord du Québec ont disparu. C'est plus d'un million de bêtes qui manquent à l'appel. Alors, que se passe-t-il? Dans son édition de mars 2011, le magazine Québec Science s'est penché sur cette inquiétante question. Et notre chroniqueuse Mélanie Jean résume la situation. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Oui, comme tu l'as dit, il se passe quelque chose de très mystérieux dans le nord du Québec. Et les experts n'en reviennent pas parce que c'est même jugé catastrophique. Puis cette catastrophe-là, c'est le déclin expliqué des deux grands troupeaux de caribous du nord du Québec. Et dans un inventaire aérien qui a été mené cet été, en 2010, on a estimé à 74 000 le nombre de bêtes au sein du troupeau de la rivière Georges qui vagabonde à la frontière là, du Québec et du Labrador. Mais en 93, on en dénombrait 10 fois plus. Donc, il se passe quelque chose et les biologistes du ministère de l'Environnement, des ressources naturelles ont vu se pencher là-dessus. Et d'ailleurs, dans le magazine Québec Science, l'article fait un très beau portrait sur ça. C'est pour ça que je voulais vous présenter ça aujourd'hui. Alors, allons-y. Les chercheurs s'inquiètent aussi pour l'autre grand troupeau, celui de la rivière aux Feuilles. Donc là, on parle de celui de la rivière Georges et celui de la rivière aux Feuilles dans le nord du Québec. Lui, celui de la rivière aux Feuilles, il est situé plus à l'ouest, du côté là, de la baie du Tisson. Et ce groupe comptait au moins 682 000 têtes pendant les années 90. Et on ignore sa taille aujourd'hui. L'inventaire a été reporté à l'été prochain, mais on a des inquiétudes face à ça. On s'imagine que ça va être comme le premier. Il y a de fortes chances. Mais comme on l'a dit, les chercheurs ne sont pas très optimistes à ce niveau-là. On s'attend à ce que le troupeau subisse le même sort que celui de la rivière Georges, avec peut-être un décalage de quelques années. En fait, l'espèce, on s'est rendu compte qu'elle déclinait partout, pas seulement dans le nord du Québec. Des 15 populations qui sont établies au Canada, il y en a 14 qui montrent des signes de détresse. Et le troupeau de Batters, par exemple, qui est dans les territoires du Nord-Ouest, il est passé de 476 000 bêtes de 1986 à 32 000 en 2009. Donc, ça a vraiment fondu, là. La situation n'est pas vraiment plus encourageante si on se déplace du côté de la Russie. Ah bon, OK. Là-bas, on les appelle les reines. Et eux aussi se raréfient. Donc là, on commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Oui, effectivement, est-ce que les chercheurs avancent des hypothèses? Pour l'instant, c'est, comme tu l'as dit, c'est des hypothèses, parce qu'on ignore vraiment les raisons là, d'une telle synchronisation dans toute l'Amérique du Nord. Et puis, c'est une situation qui est d'autant plus inquiétante, parce que le caribou, c'est très important. On l'appelle même le grand prince du Nord, le prince du Grand Nord, pardon. Et c'est donc très important de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et lors de sa migration annuelle, il se déplace en bande de milliers d'individus qui trouvent des espaces immenses. Et tous ceux qui ont assisté au spectacle de ce déplacement-là affirment que c'est une des plus belles choses qu'ils ont eu la chance de voir. Et chaque printemps, les caribous de la rivière Georges, ils quittent le centre du Labrador pour se rapprocher de l'est de la baie d'Ungava, un territoire qui délaisse ensuite pour gagner le sud à l'approche de l'hiver. Et de son côté, le troupeau de la rivière aux Feuilles part de l'est de la baie James au printemps afin de rejoindre le nord-ouest du Nunavik, qui est le nord du Québec, puis retourne dans le sud à l'automne. Et d'ailleurs, pour les autochtones de ce territoire-là, le caribou est un véritable pilier économique. On peut dire qu'il est au Grand Nord, ce que le saumon est à la région de l'Atlantique. Et pour expliquer le déclin de ce grand cervidé, il y a d'abord plusieurs points du doigt le réchauffement climatique. Mais ça, c'est une théorie qui demeure un peu simpliste. Il y a selon un biologiste, justement, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, lui, il dit qu'il a déjà identifié deux conséquences du réchauffement climatique sur les caribous. Et puis, celles-ci sont positives. Donc là, c'est pas vraiment le réchauffement climatique qui apporte des aspects négatifs. En fait, un climat plus chaud, ça devrait entraîner une augmentation de la taille des troupeaux. Puis, ça favorise la survie des jeunes femmes au début de l'été. Et ça permet à la végétation aussi de se renouveler plus rapidement là, après le passage du caribou. OK, mais à ce moment-là, qu'est-ce que serait la faute, en fait? Ça serait dû aux prédateurs? Bien, les chercheurs en doutent. Parce que là, dans l'Ouest, les données qui ont été recueillies par le CARMA, c'est le Circum Arctic Rangifer Monitoring and Assessment, à propos du troupeau de Batters, ils suggèrent que les loups pouvaient dévorer jusqu'à environ 40 000 caribous par année. Ça, on se base dans les années 90. Et que les grizzlies pouvaient en prélever un maximum là, d'à peu près 18 000 à 20 000 par année. Ouais, c'est pour ça qu'ils peuvent réduire de 90 % d'une population. Non, c'est ça. Donc là, ce taux de mortalité naturelle-là, ça ne suffit pas à expliquer pourquoi le troupeau a diminué autant dans les dernières 25 années. Lorsque le troupeau est en croissance, la chasse, ça nuit pas à l'espèce. Par contre, quand elle est menacée, là, les prédateurs, inévitablement, ils vont venir aggraver ce déclin-là. Mais c'est pas la cause principale. Quant aux chasseurs autochtones, il semble que leur impact soit vraiment limité aussi. D'ailleurs, la Convention de la baie James et du Nord québécois leur garantit un nombre fixe de prises par année. Les Inuits ont droit à environ 5000 caribous, les Cris à environ 830, les Nakaspi à environ 1000. Donc là, rien ne laisse croire que ça menace les ressources. Cependant, il n'existe pas vraiment de données extrêmement fiables quant au nombre de bêtes qu'on chasse chaque année. Mais est-ce qu'on dispose de données qui nous informent sur la variation de la taille des arbres de caribou, en fait, sur des dizaines d'années? C'est peut-être un phénomène naturel, c'est pas une maladie, un virus? Oui, ça, c'est les biologistes essaient justement de découvrir ça. Et ils rappellent d'ailleurs que la vague actuelle de disparition des caribous n'est pas si surprenante. Ah. Parce que les Inuits disent que les populations ont toujours connu des fluctuations à long terme. Donc, ça semble être une dynamique qui peut être normale. Selon cette théorie de grand cycle, les troupeaux de caribous migrateurs ils connaissent une période de grande croissance et c'est suivi d'une phase de déclin qui est assez accélérée normalement. Et lorsque les arbres deviennent trop grosses, les animaux dépérissent, leur habitat ne se régénère pas assez vite pour procurer suffisamment de nourriture à chaque individu. Donc là, on retrouve ces fluctuations-là aussi dans d'autres espèces, là, comme les lémés en Scandinavie. Donc c'est probablement une situation qui est normale. En fait, les caribous sont un peu victimes, on peut dire, de leur instinct grégaire. La baisse de leur population serait moins dévastatrice si, pendant les périodes difficiles, un certain nombre d'entre eux se mettraient à aller vers d'autres secteurs qui sont plus riches en nourriture. Malheureusement, à force de toujours vouloir vivre ensemble et ne pas se disperser, ils meurent tous ensemble. Les scientifiques se demandent non, si cette dynamique-là risque pas d'empirer la situation en raison du réchauffement climatique. Donc, c'est l'inquiétude là, face au réchauffement climatique. C'est que ce ne serait peut-être pas la cause première, mais ça vient amplifier celle qui est déjà là. Parce que là, en hiver, les redoux et les jours de verglas sont de plus en plus fréquents. Et ça force les animaux à casser la glace pour atteindre le lichen dont ils se nourrissent. Puis, on se rappelle, il y a 50 ans, l'Arctique était beaucoup plus froid qu'aujourd'hui et beaucoup plus sec aussi. Aujourd'hui, là, les épisodes de réchauffement en mars ou en avril transforment la neige en glace. Et c'est vraiment très ennuyeux pour un cervidé qui est en quête de nourriture. Donc, ça rend sa nourriture plus difficile d'accès. Effectivement. Mais est-ce que c'est étudié tout ça? Oui. Depuis 2009, il y a un groupe de recherche qui s'appelle Caribou Ongava de l'Université Laval qui mène des simulations pour étudier les effets des changements climatiques qui sont combinés aux transformations des habitudes alimentaires des caribous et les arbustes qu'ils broutent l'été. Eux, ils vont brouter du bouleau, surtout, puis un petit peu de saule. Et ces végétaux sont en croissance partout dans le nord, sauf dans les zones où se nourrit le caribou. On peut donc se demander pourquoi. Des simulations ont pourtant démontré que ces arbustes pouvaient supporter un niveau modéré de broutement. Mais quand les caribous en abusent, ils vont payer cher l'année suivante. Et les chercheurs s'intéressent particulièrement à l'été parce que c'est la période où les caribous sont les plus vulnérables. On pourrait penser que c'est l'hiver, mais c'est pas le cas. Sept mois sur 12, ils sont en déficit protéinique parce que le milieu nordique n'est pas vraiment riche en nourriture l'hiver. Les animaux font de nouvelles réserves pendant l'été. Donc, c'est pour ça que l'été est une période cruciale. Et puis, c'est à ce moment-là que les familles vont donner naissance aux petits, au printemps. Et là, les femmes grandissent à toute vitesse. Ils peuvent passer de 7 kilos à 50 seulement entre juin et octobre. Donc, l'été, c'est une période charnière. Ouais. Et puis, c'est vraiment crucial qu'ils puissent bien s'alimenter pendant la belle saison parce que sinon, ils vont passer un rude hiver. Mais cela dit, les cervidés ne se porteraient pas forcément mieux dans un paysage plus verdoyant. La croissance des arbustes présente pour les caribous des avantages, mais aussi des inconvénients. Une végétation plus abondante, ça rend plus de neige, et ça peut ralentir la migration du sud vers le nord, et puis ça peut entraîner des coûts énergétiques plus qu'à l'habitude. Oui, pour les animaux. Non, ça ne veut pas dire que s'il y avait plus de nourriture, que ce serait nécessairement bon pour eux. Bref, l'avenir des caribous migrateurs semble reposer sur leur capacité à trouver au bon endroit au bon moment. Et puis, c'est tout un défi pour un animal nomade dont l'habitat devient de plus en plus imprévisible, surtout à cause du réchauffement climatique. L'écologie du caribou, c'est pas de la science aérospatiale, c'est encore plus compliqué que ça. Parce que les biologistes, ils doivent s'adapter à des animaux nomades, c'est pas facile. Et donc, j'espère que vous avez donné le goût d'en savoir plus sur notre fameux ami le caribou. Je vous invite aussi à lire le magazine de ce mois-ci de Québec Science, qui a cet article-là qui est très intéressant, mais il y a aussi d'autres études sur, entre autres, les astéroïdes. Il y a aussi un projet de train qui fait le tour du Québec sur 10 000 km. Ça, je trouve ça assez spécial. Ouais. Et on a aussi un aperçu de ce que pourrait nous réserver l'avenir dans le domaine de l'informatique. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Je vous conseille vraiment de vous pencher sur l'édition de mars 2011. L'édition de mars, c'est ça. Oui. Alors, merci, Mélanie. Alors, voici, l'invitation est lancée. La devise de CKRL est la radio qui cultive tes goûts. Alors, c'est exactement ce que Mélanie vient de faire, vous donner le goût d'en savoir plus et de lire l'article dans Québec Science et pourquoi pas les autres articles. Alors, maintenant, nous allons faire une petite pause musicale sur CKRL 89,1.